Le 24 juillet, le Palais central de la jeunesse à Pyongyang a abrité le spectacle d'ensemble des sélectionnés du concours national de solo vocal et d'instruments de musique des jeunes étudiants consacré au 64e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie. Y ont assisté Chen Yongnam, premier secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse et des permanents de l'Union, les jeunes et étudiants. Le spectacle a montré l'ardeur révolutionnaire des 5 millions de jeunes d'avant-garde, ambitieux de défendre fermement les exploits accomplis par le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il pour la direction de Sun-gun, et de saluer le 27 juillet de la victoire finale, suivant le dirigeant suprême Kim Jong-un.